Au buffet, quand elle eut réussi à traverser le quai, à grand-peine, elle tomba dans une autre bousculade. Les pèlerins aisés avaient pris d'assaut les tables, beaucoup de prêtres surtout se hâtaient, au milieu du tapage des fourchettes, des couteaux et de la vaisselle. Trois ou quatre garçons ne parvenaient pas à assurer le service, d'autant plus qu'une foule les entravait, se pressait au comptoir, achetait des fruits, des petits pains, de la viande froide. Et c'était là, au fond de la salle, que Raymonde déjeunait, à une petite table, avec Madame Desagneaux et Madame Volmar. « Ah, maman, enfin » cria-t-elle. « J'allais retourner te chercher. Il faut bien qu'on te laisse manger pourtant. » Elle riait, très animée, très heureuse des aventures du voyage, de ce repas fait à la diable dans un coup de vent. « Tiens, je t'ai gardé ta part de truite à la sauce verte, et voici une côtelette qui t'attend. Nous autres, nous en sommes déjà aux artichauts. » Alors, ce fut charmant. Il y avait là un coin de gaieté qui faisait plaisir à voir. La jeune Madame Desagneaux, surtout, était adorable. Une blonde délicate, avec des cheveux jaunes, fous et envolés, une petite figure de lait, ronde, trouée de fossettes, et très rieuse, et très bonne. Richement mariée, elle laissait depuis 3 ans son mari à Trouville, au beau milieu d'août, pour accompagner le pèlerinage national, en qualité de dame hospitalière. C'était sa grande passion. Une pitié frissonnante, un besoin de se donner tout entière aux malades pendant 5 jours. Une véritable débauche d'absolu dévouement dont elle revenait brisée et ravie. Son seul chagrin était de n'avoir pas d'enfant encore, et elle regrettait parfois, avec un emportement comique, d'avoir méconnu sa vocation de sœur de charité. « Ah, ma chérie !» dit-elle vivement à Raymonde. « Ne plaignez donc pas votre mère d'être prise par ces malades. Au moins, ça l'occupe. » Et s'adressant à Madame de Jonquière, « Si vous saviez comme nous trouvons les heures longues dans notre beau compartiment de première, on ne peut pas même travailler à un petit ouvrage, c'est défendu. J'avais prié qu'on me mît avec des malades, mais toutes les places étaient données, et je vais en être réduite à tâcher de dormir dans mon coin cette nuit. » Elle riait. Elle ajouta, « N'est-ce pas, Madame Volmar, nous dormirons, puisque la conversation a l'air de vous fatiguer. » Celle-ci, qui devait avoir dépassé la trentaine, très brune, avec un visage long, les traits fins et tirés, avait de larges yeux, magnifiques, des brasiers sur lesquels, par moments, passait, comme un voile, une moire qui semblait les éteindre. Elle n'était point belle au premier coup d'œil, et à mesure qu'on la regardait, elle devenait troublante, conquérante, désirable jusqu'à la passion et à l'inquiétude. D'ailleurs, elle s'efforçait de disparaître, très modeste, s'effaçant, s'éteignant, toujours en noir et sans un bijou, bien qu'elle fût la femme d'un marchand de diamants et de perles. « Oh, moi !» murmura-t-elle. « Pourvu qu'on ne me bouscule pas trop, je suis contente. » En effet, elle était allée déjà 2 fois à Lourdes, comme dame auxiliaire, et pourtant on ne la voyait guère là-bas, à l'hôpital de Notre-Dame-des-Douleurs, prise d'une telle fatigue dès son arrivée qu'elle se trouvait, disait-elle, forcée de garder la chambre. Madame de Jonquière, directrice de la salle, se montrait du reste, pour elle, d'une aimable tolérance. « Ah, mon Dieu, mes pauvres amis, vous avez bien le temps de vous dépenser. Dormez donc, si vous le pouvez, et ce sera votre tour ensuite, lorsque je ne me tiendrai plus debout. » Puis, s'adressant à sa fille, « Toi, ma mignonne, tu feras bien de ne pas trop t'exciter si tu veux garder la tête solide. » Mais Raymonde la regarda d'un air de reproche, avec un sourire. « Maman, maman, pourquoi dis-tu ça? Est-ce que je ne suis pas raisonnable ?» Et elle devait ne pas se vanter, car une volonté ferme, une résolution de faire sa vie elle-même, apparut dans ses yeux gris, sous son air de jeunesse insoucieuse, simplement heureuse de vivre. « C'est vrai, » confessa la mère avec un peu de confusion, « cette petite fille a parfois plus de raison que moi. Tiens, passe-moi la côtelette, et je t'assure qu'elle est la bienvenue. Seigneur, que j'avais faim !» Le déjeuner continua, égayé par les continuels rires de Madame des Agneaux et de Raymonde. Celle-ci s'animait, et son visage, que l'attente du mariage jaunissait déjà légèrement, retrouvait l'éclat rose de la 20e année. On mettait les morceaux doubles, car on n'avait plus que 10 minutes. Dans toute la salle, c'était un brouhaha grandissant de convives qui craignaient de ne pas avoir le temps de prendre leur café. Mais Pierre parut, de nouveau. La grivotte se trouvait en proie à des étouffements, et Madame de Jonquière acheva son artichaut, puis retourna au wagon, après avoir embrassé sa fille, qui lui disait bonsoir d'une façon plaisante. Cependant, le prêtre venait de réprimer un mouvement de surprise en apercevant Madame Volmar avec la croix rouge des dames hospitalières sur son corsage noir. Il la connaissait et il faisait encore de rares visites à la vieille Madame Volmar, la mère du marchand de diamants, une ancienne connaissance de sa mère à lui, la plus terrible des femmes, d'une religion outrée, d'une dureté, d'une sévérité à fermer les persiennes pour que sa belle-fille ne regardât pas dans la rue. Et il savait l'histoire. La jeune femme emprisonnée dès le lendemain du mariage, entre sa belle-mère qui la terrorisait et son mari, un monstre d'une laideur basse qui allait jusqu'à l'abattre, fou de jalousie, bien qu'il entretînt des filles au dehors. On ne l'a laissé sortir un instant que pour assister à la messe. Pierre, un jour, à la Trinité, avait même surpris son secret en la voyant, derrière l'église, échanger une parole rapide avec un monsieur correct, l'air distingué. La chute inévitable et si pardonnable. La faute au bras de l'ami discret qui s'est trouvé là. La passion cachée et dévorante qu'on ne peut satisfaire et qui brûle. Le rendez-vous qu'on a eu tant de peine à rendre possible, qu'il faut attendre des semaines, dont on profite goulûment dans une brusque flambée de désir. Elle s'était troublée. Elle lui tendit sa petite main longue et tiède. « Tiens, quelle rencontre, monsieur l'abbé! Il y a si longtemps qu'on ne s'est vu !» Et elle expliqua que c'était la 3e année qu'elle allait à Lourdes, que sa belle-mère l'avait forcée à faire partie de l'association de Notre-Dame de Salut. « C'est surprenant que vous ne l'ayez pas aperçue à la gare. Elle me met dans le train et elle revient me chercher au retour. » Cela était dit très simplement, mais avec une telle pointe de sourde ironie que Pierre crut deviner. Il la savait sans religion aucune, ne pratiquant que pour s'assurer une heure de liberté de temps à autre. Et il eut la soudaine intuition qu'elle était attendue là-bas. Ce devait être à sa passion qu'elle courait ainsi, de son air effacé et ardent, avec ses yeux de flamme qu'elle éteignait sous un voile de morte indifférence. « Moi, dit-il à son tour, j'accompagne une amie d'enfance, une pauvre jeune fille malade. Je vous la recommande, vous la soignerez. » Alors elle rougit un peu. Il ne douta plus. D'ailleurs, Raymonde réglait l'addition avec l'assurance d'une petite personne qui se connaît aux chiffres. Et Madame des Agneaux emmena Madame Volmar. Les garçons s'affolaient davantage. Les tables se vidaient, tout le monde s'était précipité en entendant sonner une cloche. Pierre, lui aussi, se hâtait de retourner à son wagon, lorsqu'il fut arrêté de nouveau. « Ah, monsieur le curé » s'écria-t-il, « je vous ai vu au départ, mais je n'ai pu vous rejoindre pour vous serrer la main. » Et il tendait la sienne au vieux prêtre, qui le regardait en souriant de son air de brave homme. L'abbé Judaine était curé de Saligny, une petite commune de l'Oise. Grand, fort, il avait une large face rose, encadrée de boucles blanches. Et on le sentait un saint homme, que jamais la chair ni l'intelligence n'avaient tourmenté. D'une innocence tranquille, il croyait fermement, absolument, sans lutte aucune, avec sa foi aisée d'enfant qui ignorait les passions. Depuis que la Vierge, à Lourdes, l'avait guéri d'une maladie Dieu, par un miracle retentissant dont on parlait toujours, sa croyance était devenue encore plus aveugle et plus attendrie, comme trempée d'une divine gratitude. « Je suis content de vous avoir avec nous, mon ami, » dit-il doucement, « parce que les jeunes prêtres ont beaucoup à gagner dans ces pèlerinages. On m'assure qu'il y a parfois en eux un esprit de révolte. Eh bien, vous allez voir tous ces pauvres gens prier. C'est un spectacle qui vous arrachera des larmes. Comment ne pas se remettre aux mains de Dieu devant tant de souffrances guéries ou consolées ?» Lui aussi accompagnait une malade. Il montra un compartiment de première classe où était attachée une pancarte portant « Monsieur l'abbé Judaine réservé ». Et, baissant la voix, « C'est Madame Dieu l'a fait, vous savez, la femme du grand banquier. Leur château, un domaine royal, est sur ma paroisse. Et quand ils ont su que la Sainte Vierge avait bien voulu me faire une insigne grâce, ils m'ont supplié d'intercéder pour la pauvre malade. Déjà, j'ai dit des messes et je fais des vœux ardents. Tenez, voyez-la par terre. Elle a voulu absolument qu'on la descendît un instant, malgré la peine qu'on aura à la remonter. » Sur le quai, à l'ombre, se trouvait en effet, dans une sorte de caisse longue, une femme dont le beau visage, à l'ovale pur, aux yeux admirables, ne portait pas plus de 26 ans. Elle était atteinte d'une effroyable maladie, la disparition des sels calcaires qui entraînaient le ramollissement du squelette, la lente destruction des os. Il y avait 2 ans déjà, après être accouchée d'un enfant mort, elle s'était sentie de vagues douleurs dans la colonne vertébrale. Puis, peu à peu, les os s'étaient raréfiés et déformés, les vertèbres s'affaissaient, les os du bassin s'aplatissaient, ceux des jambes et des bras se rapetissaient. Et, diminuée comme fondue, elle était devenue une loque humaine, une chose fluide et sans nom qu'on ne pouvait mettre debout, qu'on transportait avec 1000 soins, de crainte de la voir fuir entre les doigts. La tête gardait sa beauté, une tête immobile, l'air stupéfié et imbécile. Et devant ce reste lamentable de femme, ce qui achevait de serrer le cœur, c'était le grand luxe qui l'entourait, la caisse capitonnée de soie bleue, les dentelles précieuses dont elle était couverte, la coiffe de Valenciennes qu'elle portait, une richesse qui s'étalait jusque dans l'agonie. « Ah, quelle pitié !» reprit l'abbé Judaine à demi-voix. « Dire qu'elle est si jeune, si jolie, riche à millions. Et si vous saviez comment on l'aimait, de quelle adoration on l'entoure encore. C'est son mari, ce grand monsieur, qui est près d'elle. Et voici sa sœur, Madame Jousseur, cette dame élégante. » Pierre se souvint d'avoir lu souvent dans les journaux le nom de Madame Jousseur, femme d'un diplomate, et très lancée parmi la haute société catholique de Paris. Une histoire de grande passion combattue et vaincue avait même circulé. Elle était d'ailleurs très jolie, mise avec un art de simplicité merveilleux, s'empressant d'un air de dévouement parfait autour de sa triste sœur. Quant au mari, qui venait à 35 ans d'hériter la colossale maison de son père, c'était un bel homme, le teint clair, très soigné, serré dans une redingote noire. Mais il avait les yeux pleins de larmes, car il adorait sa femme, et il avait voulu l'emmener à Lourdes, quittant ses affaires, mettant son dernier espoir dans cet appel à la miséricorde divine. Certes, depuis le matin, Pierre voyait bien des maux épouvantables dans ce douloureux tremblant. Aucun ne lui avait bouleversé l'âme autant que ce misérable squelette de femme qui se liquéfiait au milieu de ses dentelles et de ses millions. « La malheureuse » murmura-t-il en frissonnant. Alors l'abbé Judaine eut un geste de sereine espérance. « La Sainte Vierge la guérira, je l'ai tant priée. » Mais il y eut encore une volée de cloches, et cette fois, c'était bien le départ. On avait 2 minutes. Une dernière poussée se produisit, des gens revenaient avec de la nourriture dans des papiers, avec les bouteilles et les bidons qu'ils avaient remplis à la fontaine. Beaucoup s'effaraient, ne retrouvaient plus leur wagon, couraient éperdument le long du train. Tandis que les malades se traînaient au milieu d'un bruit précipité de béquilles, et que d'autres, ceux qui marchaient difficilement, tâchaient de hâter le pas aux bras de dames hospitalières. Quatre hommes avaient une peine infinie à remonter Madame Dieu la Fée dans son compartiment de première classe. Déjà, les vignerons qui se contentaient de voyager en seconde s'étaient réinstallés chez eux, parmi un amas extraordinaire de paniers, de caisses, de valises, qui permettait à peine au petit Gustave d'allonger ses pauvres membres d'insectes avortés. Puis, toutes reparurent. Madame Maze se glissant de son air muet, Madame Vincent haussant à bout de bras sa chère fillette avec la terreur de l'entendre jeter un cri. Madame Vêtu qu'il fallut pousser après l'avoir réveillée de l'hébétement de sa torture. Élise Rouquet, toute trempée de s'être obstinée à boire, en train d'essuyer encore sa face de monstre. Et pendant que chacun reprenait sa place et que le wagon se retrouvait plein, Marie écoutait son père, ravie d'être allée au bout de la gare, jusqu'à un poste d'aiguilleur d'où l'on découvrait un paysage vraiment agréable à voir. « Voulez-vous que nous vous recouchions tout de suite ?» demanda Pierre, que le visage angoissé de la malade désolait. « Oh non, non, tout à l'heure, » répondit-elle. « J'ai bien le temps d'entendre ces roues gronder dans ma tête, comme si elles me broyaient les os. » Sœur Hyacinthe venait de supplier Ferrand de voir encore l'homme avant de retourner au wagon de la cantine. Elle attendait toujours le père Mathias, étonné de ce retard inexplicable. Et elle ne désespérait pourtant pas, car sœur Claire des Anges n'avait point reparu. « Monsieur Ferrand, je vous en prie, dites-moi si ce malheureux est vraiment en danger immédiat. » De nouveau, le jeune médecin regarda, écouta, palpa. Puis, il eut un geste découragé et à voix basse. « Ma conviction est que vous ne le mènerez pas vivant à Lourdes. » Toutes les têtes se tendaient, anxieuses. Encore, si l'on avait su le nom de l'homme, d'où il venait, qui il était. Mais ce misérable inconnu, dont on n'arrivait pas à tirer un mot, et qui allait mourir là, dans ce wagon, sans que personne pût mettre un nom sur sa figure. L'idée vint à sœur Hyacinthe de le fouiller. Il n'y avait vraiment aucun mal à cela en la circonstance. « Monsieur Ferrand, voyez donc dans ses poches !» Avec précaution, celui-ci fouilla l'homme. Dans les poches, il ne trouva qu'un chapelet, un couteau et trois sous. On n'en sut jamais davantage. Une voix, à ce moment, annonça sœur Claire des Anges et le père Mathias. Celui-ci, simplement, s'était attardé à causer avec le curé de Sainte-Radegonde dans une salle d'attente. Il y eut une émotion vive. Tout parut un instant sauvé. Mais le train allait partir, les employés fermaient déjà les portières. Il fallait expédier l'extrême-onction en grande hâte si l'on ne voulait pas occasionner un trop long retard. « Par ici, mon révérend père !» criait sœur Hyacinthe. « Oui, oui, montez, notre malheureux malade est là !» Le père Mathias, de 5 ans plus âgé que Pierre, qu'il avait eu cependant au séminaire pour condisciple, avait un grand corps maigre, avec une figure d'ascète, qu'une barbe pâle encadrait, et où brûlaient des yeux étincelants. Il n'était ni le prêtre ravagé de doute, ni le prêtre à la foi d'enfant, mais un apôtre que la passion emportait, toujours prêt à lutter et à vaincre pour la pure gloire de la Vierge. Sous la pèlerine noire à grand capuchon, coiffée du chapeau velu aux larges ailes, il resplendissait de cette continuelle ardeur du combat. Tout de suite, il avait tiré de sa poche la boîte d'argent des saintes huiles. Et la cérémonie commença, au milieu des derniers claquements de portières, dans le galop des pèlerins attardés. Tandis que le chef de gare, inquiet, consultait l'horloge du regard, voyant bien qu'il lui faudrait accorder quelques minutes de grâce. Credo in unum Deum, murmurait vivement le père. Amen, répondirent sœur Hyacinthe et tout le wagon. Ceux qui avaient pu s'étaient agenouillés sur les banquettes. Les autres joignaient les mains, multipliaient les signes de croix, et quand, au balbutiement des prières, succédèrent les litanies du rituel, les voix s'élevèrent. Un ardent désir vola avec les Kyrie eleison pour la rémission des péchés, la guérison physique et spirituelle de l'homme. Que toute sa vie, qu'on ignorait, lui fut pardonnée et qu'il entra, inconnu et triomphant, dans le royaume de Dieu. Christe exaudinos, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Le père Mathias avait sorti l'aiguille d'argent à laquelle tremblait une goutte d'huile sainte. Il ne pouvait, dans la bousculade, dans l'attente de tout le train où les gens surpris mettaient la tête aux portières, songer à faire les onctions d'usage sur les organes divers des sens, ces portes qui laissent entrer le mal. Comme la règle l'autorisait, lorsque le cas était pressant, il devait se contenter d'une onction unique, et il la fit sur la bouche, sur cette bouche livide, entr'ouverte, d'où s'exhalait à peine un petit souffle, pendant que la face, aux paupières closes, semblait déjà comme effacée, rentrée dans la cendre de la terre. Per istam sanctam unctionem et suamsissimam misericordiam indulgeat tibi dominus quidquid per visum auditum odoratum gustum tactum deliquisti. Le reste de la cérémonie fut perdu, bousculé et emporté dans le départ. Le père eut à peine le temps d'essuyer la goutte avec le petit morceau d'ouate que sœur Hyacinthe tenait tout près. Et il dut quitter le wagon, regagner le sien au plus vite en remettant en ordre la boîte des saintes huiles pendant que les assistants achevaient l'oraison finale. « Nous ne pouvons attendre davantage, c'est impossible !» répétait le chef de gare hors de lui. « Voyons, voyons, qu'on se dépêche !» Enfin, on allait se remettre en marche. Tout le monde se rasseyait, rentrait dans son coin. Madame de Jonquière, que l'état de la grivotte continuait à tourmenter, avait changé de place, se rapprochant d'elle, en face de Monsieur Sabatier, qui attendait, résigné et silencieux. Sœur Hyacinthe, elle, n'était pas revenue dans son compartiment, décidée à rester près de l'homme pour le veiller et l'assister, d'autant plus que, là aussi, elle était plus à portée pour soigner le frère Isidore, dont Marthe ne savait comment soulager la crise. Et Marie, pâlissante, sentait déjà, au fond de sa triste chair, les chaos du train avant même qu'il eût repris sa course sous le soleil de plomb, charriant sa charge de malade dans l'étouffement et l'empoisonnement des wagons surchauffés. Il y eut un grand coup de sifflet, la machine souffla, et sœur Hyacinthe se leva pour dire « Le Magnificat, mes enfants !»